إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يجدل سوات توفيق ربي عز وجل في سنو درس التوحيد في سنو تيربو دي شرح الأصول الثلاثة بو الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. خم ينبا ليغي نيغي تي خم دين الإسلام تي تكتلي القرآن اك سنة ينتبي عليه الصلاة والسلام تمو نيكون نياري لو تيوسان بي تي تيري بي ني نيكون تي تومبو بو ماك بوبو دون تي دوخ با اكسي تي بونك الإسلام ñu nekkon ci ponk bu ñëk bi nekkon ci la ilaha illallah ma'nawam lan lay tekki lan lay wundu ndax xam ngeen ne loolu dafa bokk ci mbir yi nga xam ne jullit muskallaf daf ko war a xam. Sunu borom moo ko digle, sunu borom moo ne fa'lam annahu la ilaha illallah, xamal la ilaha illallah, loolu en particulier. Waaye xamal ni ci règle générale mbooleem li nga xam ne sunu boroom daf ñu koo digal dégandaay yi santaane yi charte ya ba ca jiitu mooy xam d'abord. Sunu boroom lam ne def ko xamal ni règle générale dafa làmboo xam loolu d'abord. Mango xam ko ba pare julli dang koy xam, asaka dang koy xam, ainsi de suite ainsi de suite. Mango boko xame joxe ko par rapport ak njangale yoy nga ko xame, par rapport ak preuve yoy nga xamanteni ni mong nga ko xame, te muy ay aya alquran ak ay ahadith yu bawo ci njangale yonnati bi alayhi salatu wassalam. Rawatina nak la ilaha illallah en particulier sunu borom dadi ci addu ci alquran ne xamal deug deug la ilaha illallah. Lolu encore une fois ginnaw generalité bi muy particularité encore, lolu da fay gëna woné solo bi ak importance bi. Mais bo xolé ñun sunu penc mi mom lañu gëna sagane waw, mom lañu gëna doya dil, mom lañ gëna woyofal. Mango da ngay gis ñu def ko ci ay musique diko tek ci boîte de nuit diko tek ci bar yi. Mango kuy wax lu doye di sax daldi jël toftal ca, gis nga ñi jël ko def ko ay rythme di ci fecc ak di ci jaayok yu kenn xamul, te jëmu ñu xam sax lan moy sens bi d'abord, lan moy maana bi d'abord. Kaddu gogu tek gañ ko tek mu nekk ci premier étape, mu nekk ci premier pilier, ci pilier l'islam ñu tek ko fa. Du hasard, du neen, du pour ñu jël diko woy comme ni ñuy defé fi. Nango ñun japp nañ ne waxuma mbiru aduna de, mais diina sax ay affaire woy la, nang ko woy dal affaire bi neex. C'est à dire lolu limuy woné moy niveau intellectuel bu baa bi, niveau waxuma sax intellectuel mais niveau humain bu baa. Mango voilà gerte ca sax boko jëlon tay woy ko def ko ci ay rythme organiser ko, boko waye mu neex nit mën nako deglu daanu ci woy bi dugg ci bir xolam. Mburu kazalika boko waye def ko non kayit mbuus xeer yooyu yëpp boo ko jëloon tey xool compositeur bu ay, xol ñu xarañ ñu tégal lako ci norme musique yi boko waye ay nit ñi daanu mais ya quoi dans ça wala lolu comprendre len ko ya quoi dans ça ba ngeen jël diiné ji bëkk ko jël def ko way dafa way ñu da mu daanok mu mbëkk ak mu xëm ak mu alok mu ximiliku mburok sukar sax buñ ko woyon def ko ci rythme yoyu mu nexé nonu ba nit mën ci daanu où est le problème qu'est-ce qu'il y a de particulier dans ça la ilaha illallah du pour ay way du pour ay mélodie du pour ay rythme du pour musique du pour bar du pour dancing du pour khumbal du pour foural luñu wara jang xam ko la fa'lam sunu borom dañe xamal annahu deug deug li mbir te mbir la ilaha illallah la ilaha illallah lolu moy sa obligation bi nek sa kaw ci la ilaha illallah moy nga xam ko yow ñu ñew ngay fetaso ka jaayo ak wëndelo ko door poj ak yëngal ndig akhi ana dina l'islam ka yëngal ndig is muskalaf ha bu ne donkal di yëngal ndig di donkal donkal yi ash hada ñu ne dina la ayu dinin hada ahada huwa dinur rusul li ban dina la li mo ne kon dina yonanti yene nga imaginer sahaba yi ni lañ doon dundé dina l'islam ni lañ melon ak la ilaha illa allah ha utruku al-la'ib baylan fobi ha tawaqqafu 'ani al-la'ib arrêtez de jouer baylan foye sen dina motax ku juk khas dina ji dina islam dina terroriste la dina islam dina nangam la dina islam bi parce que ñun julliñ ci sen bop ñun ci sun bop respecté wuñ sun dina niñ ko waron respecté suñ ko respecté won kenn du ñame dina ci kenn du ci ñame wax wala bala kenn di ci wax diñ ko sétat mais tay piccu mu jog attaquer l'islam légui nak frustration mo fi nek mo da nga gis ñen ñi dañuy frustré wu jog naan dañuy rayaté wala jog naan dañuy tal bombe wala jog naan dañuy nangam ak nangam voilà parce que preuve yiñ warona défendre l'islam té muy xam xam amuñu ko motax ñu dem di tal bombe c'est des ignares et des ignorants et des bandits bu ko défé image islam gëna ñaaw image islam gëna yaqku jang leen diina ngeen jangal seen doom mo gën ñu jog naan dañoo bëgg défendre islam dem di manifester wu wala ñuy sanni xeer wala ñuy ray ay nit wala ñuy tal bombe c'est ce que vous voulez pour vos enfants lool ngeen bëgg pour seen doom jangal len dina bu ngeen len jangalul dina dinañ dajé ci mbéd mi ñu len nax yobul len ñu nek ay terroriste dem di tal bombe parce que xamuñu dina té dinañ dégg ku wax ci dina lu len nakari duñ xam nan lañ koy défendre bu boba lan lañuy jël la violence qui est l'arme des faibles c'est ce qu'ils vont faire jël violence dem apprenez l'islam et enseignez l'islam à vos enfants jang len dina surtout l'islam authentique je veux dire waxuma ay islam woyak islam molodek melodek islam malakhak islam lembel islam yengal yengal ndig yeb ñing ko fi gis c'est pas de l'islam yene ko gëna xam c'est pas de l'islam xam ngeen ko apprenez l'islam et enseignez-le à vos enfants avant qu'ils se détournent jangal len bala ñu détourner wu di inhiraf wala keneen ñew détourner len yobul len ci ay violence aveugle ñu bëgg défendre sen diina xamuñu nuñ koy défendre dem di rendi waté dem di tal bombe dem di attaquer ay nit dem di exploser voilà nek ay terroriste c'est ce que vous voulez de vos enfants li ngeen bëgg pour sen dom hein li ngeen bëgg pour sen dom gis nga musiba yeb xam nga départ bi lan la l'ignorance vous avez laissé l'ignorance s'installer dans vos foyers vous avez laissé l'ignorance s'installer dans vos maisons xalé ngeen bayilé nak télé yé kia xane gek yu démé non télévision ñoo leen di yar amuñu une éducation islamique amuñu la science islamique donc ils sauront pas où mettre les pieds duñu xam fan lañu wara tek sen temps kan lañu wara déglu ak kan lañu wara déglu duñ ko xam youtube baangi fi Facebook baangi fi il écoute n'importe qui dinañ dajé ko xamanté ni koku dina len pousse vers la violence yobou len ci ay manifester way on va manifester parce que dine islam ñing koy togn ci lolou lañuy commencer après un petit peu muy gëna yok motax tous les savants de l'islam les vrais savants là la wax dé waxuma la les savants voilà les vrais savants de l'islam ñi nga xamné ay borom xam xam lañ nga xamanté ni il connaît très bien le droit chemin. Ils interdisent les marches et les manifestations. Ils te disent que marches et manifestations ne font pas partie de l'islam. Ces genres de trucs-là, ces violences-là, ces explosions, ces kamikazes, ces marches, ces trucs-là, ces ne font pas partie de l'islam. Ñoñu bo len la dia, xam nga lu leer, va apprendre ta religion. Si tu apprends ta religion, tu sauras où mettre les pieds. Iqra. Du lola la alcorane wax jangal yow nga bayiko fi gene nan da ngay manifester wo gay dañ lay nax dañ lay mepp def ben affaire bu ko defé ngeen jog wo gis nga il y aura des extrémistes parmi ces manifestants là ño xamanté dinañ dem à l'extrême dem fek nit ray jam takati takay djel paka geje yakar ni yow li ngay def njambart la ak ngour la alors que yaangi tilimal islam jangalu la lolou islam sant la lolou islam jaar lo wula fofu yeen ak yeena meuna dimbali sen bop dimbali sen dom mango terrorisme la meilleure manière de lutter et de prévoir le terrorisme c'est quoi c'est apprendre l'islam authentique enseigner l'islam authentique répandre l'islam authentique enseigner nos enfants l'islam c'est le savoir la meilleure manière là wax liñu def fi yeb jël ay ki nan on contestant contre le terrorisme loni a xoma lan ak lan loya yo ñom traci mandarga yu visible lañuy xéxal terrorisme c'est ay pensées là c'est des pensées erronées yo xamné dañ koy duggal ci bop xalé dugul ko ci bop ñi nga xamni janguñu embarqué len donc bu savoir ñewé nga xamni moy lumière ignorance day dem qul jaa al-haq wa zahaqa al-batil inna al-batila kana zahuqa lumière mom bu ñewé rek bokalé day reculer ignorance day reculer bokalé lan moko indi ignorance bida lan moko indi ignorance yoy yeb day reculer terrorisme day reculer ko defé bo bëggé say ndawi réew baña sombrer dans le terrorisme il faut nga jangal len diiné islam authentique diiné islam pur bu ko defé à travers ça dinañ xamni ndékété yi manifestation yiñ len di wo marche yiñ len di wo affaire yiñ len di wo violence yi ndékété yépp ce n'est pas de l'islam mangok c'est tout simplement du désordre pour apporter plus de mal à l'islam bu boba ñu am ci lu lèr ndekete dadi nak xam fi ñi tek sen tank mëna moytu bu baax mais da ngay gis fi yow yaay wala yow papa yow yaay sétane ben way un terroriste à la télévision do xamni sax c'est un terroriste nga né non dama ko fan ay sa dom légui du ko fan alors que c'est un khariji ça commence par toi la mère ou bien le père ça commence par toi parce que tu sais même pas où mettre tes pieds. C'est ça le problème. Yow yaaji, yow papa, yow ya xamagul foy tek sa tank. Diou, ou sa diou ni manexé alors que il a des pensées extrémistes, terroristes, khawarijistes. C'est ça le problème. Bo ñé ci islam, ci sunna, ci ulama ahlu sunna, dañ lay wax khawariji, terroristes. Ñaari groupe lañ ceux qui passent à l'action et ceux qui sont assises terroristes ñaari forme lañ ñi def action yi ñi nga xam dañuy dem à l'acte ils passent à l'acte ak ño xam ils ne passent pas à l'acte mais ils sont assises gis nga et ils poussent les gens vers cela ñu né ceux qui sont assises sont les pires ño gëna bonne terroristes yi nga xam ño tok defuñu à l'acte mais tok ci ay plateau télé di wax tok ci ay youtube di wax tok ci réseaux sociaux yi di wax des fois sax nga fekk len ci kaw minbar yi ñuy wax ñu né ñoñu ñoy les pires ñoñu ñoo gëna bon parce que ñom ñoy pousser jeunesse bi ñu passer à l'acte gis nga islam ni muy détailler mbir yi bu boba solution bi nam koy solutionner motax par exemple ngeen dégg certains ignorants ici au Sénégal nga xamni fikr ikhwan lañ yor ñuy attaquer arabie saoudite nga dégg ñu naan dañuy tej ay borom xam xam ban borom xam xam lañ ko tej da ngay na dégg cheikh khosan ñu tej ko fa cheikh abdul mohsin da ngay na dégg ñu tej ko arabie saoudite ha al-allama al-haydan da ngay mësa dégg ñu tej ko arabie saoudite ha alim al-allama cheikh ibn baz da ngay mësa dégg ñu tej ko arabie saoudite cheikh ousaymin al-faqih da ngay mësa dégg ñu tej ko arabie saoudite nasi saadi ha ibn qayyim zamani da ngay mësa dégg ñu tej ko arabie saoudite al-mufti al-kabir al-allama muhammad bin ibrahim ali cheikh da ngay mësa dégg ñu tej ko arabie saoudite ñan ngeen dégg ñu tej leen c'est des khawarij ay nit lañ ñoo xam ñi ngi tok ci ay minbar seen obligation nek ñu jangal xalé yi lolu ministre bi nga xamanteni ni mo yoron l'enseignement supérieur en arabie saoudite saleh ali cheikh moko wax mu ne le problème dans l'enseignement actuellement mom moy lan da ngay gis ko xamni un diplômé un professeur rôle mo ne kon mu éduquer les enfants enseigner len mom moy taxaw ci kanamu xalé yi di tag ben la den mu ne koku mi ngi inciter mi ngi pousser xalé yi ci terrorisme mo xam yegna ko legu c'est ça le problème légui ñooñu buñu leen jappé tay nga gis les ignares qui sont au Sénégal ici c'est oustaz ignare la nga dit ñu non arabie saoudite tay ñu borom xam xam arabie saoudite do ragal yalla bala ngay wax do wax lo maîtriser hein kalaasu ay salman aouda kalaasu safar hawali hein ak qarni yoyu ak ñeneen ñi melni ñoom xamni seen wax yëpp man mu mi lan la xuruj ay xéetu révolte yo xamanteni ni manam ce n'est pas les ignorants qui vont les détecter parce que ignorants yi seen yëg-yëg lañuy démé seen xamansa lañuy démé du ñoom ñokoy détecter mais borom xam ñoko mëna détecter moy depuis jamono cheikh ibn baz mi ngi doon wax yoon dal seen kaw depuis jamono cheikh ibn baz té cheikh ibn baz suma djoubul gañu na soit avant 2000 touti jamono bobu ba légui gañu na depuis jamono bobu dem len ngeen jangi da ngeen di dem ngeen jangi ngeen xam lan moy l'islam lan moy sunna lan moy terrorisme khawarij moy lan mais yow xamulo ci yoy dara da ngay tok rek france 24 ne la nga jël wëndelu di wëndelo ak mom te fekk yow ci sa bop yow yaangi enseigner terrorisme ak khawarijme yaang koy enseigner say dom yow ñu tek fofu sunu baram ñaan borom bi jalla wa ala mu defal ñu tawfiq defal len ko defal ñu tayseer defal len ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh